compte pas les gens qui passent sans se dire face à face que le temps passe, que le temps passe et que tout le monde trépasse. Je préfère me fondre dans la masse, dans la masse qui passe tête basse. Je ne dis rien qui menace face à face. Mais je fais volte-face quand la société tremble sur place. J'ai peur du temps qui passe avant que tout ne casse avant que je me casse avant je ne casse tout et que tout me casse. Le sentiment que je ressasse tant que le temps passe, quoi que je fasse, les bouts de la révolte me racasse. Finalement, je ne veux rien qui fasse que la révolution ne se passe. À la fin de la chasse, je ramasserai vos carcasses. Sans culotte et la besace, le cri de guerre en avant. Je me sens joisse, caché sous ma carapace. On ne voit qui m'épate, on me trouve et je perds la face.